reste sage. L'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé. L'amour à corps, tu l'as trouvé. Tu es en somme devant les hommes. Cherche toujours, cherche plus loin. Viendra l'amour sur ton chemin. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Well, those two, first of all, were France Gall with Poupée de Cire, Poupée de Son. Doll of made of wax and doll, a sound doll. And then Pierre Bachelet sang for you Emmanuel. A little bit about Emmanuel. You're just a child, although you're 20, but you've only had one love. But you're growing up and you will know more, he says. This is Bonjour, Minnesota. I'm Carol. And let's see. Number two. I'm Olaf on number two. Voilà. Good evening. Nicoletta n'est pas là où je pensais, Olaf. Ah bon, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave? Non, non. Alors, Nicoletta, elle a disparu. Donc, on va tout de suite, on va retrouver Nicoletta Litani pour un été. Ah là, voilà. Nicoletta, je crois qu'elle était vedette des années 60 plutôt. Hein? Alors, litanie pour un été. Un été, oui. Oui, nous on fait la litanie. Pardon? Nous on fait la litanie d'une soirée d'été comme ce soir avec... Ben oui, alors là voilà Nicoletta. Lourdes de sommeil, peau nue, perles salées. KFAI is supported in part by Nice Ride Minnesota, a nonprofit organization that provides public bike sharing at 170 bike stations across the Twin Cities. Green bikes equal nice ride. Information about membership is available at niceride-minnesota.org. So you heard France Gall in Poupée de Cire, Poupée de Saut. Which, well, it's simply dealt with a doll of wax. Of wax, and see is also the vinyl of LPs, yes, and Poupée de Son. So it's has this connection between the vinyl. Well, I mean, vinyl is vinyl; it's not see, but the very old ones were done in wax, I mean the recordings, and so this then is kind of hints to that. Pierre Bachelet and Emmanuel, well, Emmanuel, what can you say about Emmanuel? And from Café de Paris, he pays an éloge to Emmanuel and Nicolette. Litanie pour un été. She sings loud voiced and with a very strong support orchestra about, well, how everything is possible in summer and at the sea, and well, obviously love will some or other come in there, and the rhythms were kind of, she clearly was influenced, or this is influence of American well, not necessarily jazz, but big band type music. So those were the three that you heard, and I'm glad we found Nicolette. Et bien maintenant, on va écouter deux par Joséphine Baker, une américaine, une américaine noire, et qui était une grande vedette en France pendant les années. Oh là là! C'est 20, dans les années 20, elle commençait avec la revue. 5 ans, la revue Nègre. Nègre en 25, 20, 20. Je crois qu'elle n'avait que 16 ans à cette époque. Oui, et puis elle est restée en France jusqu'à, bon, pratiquement jusqu'à sa mort. Non, à la fin, d'abord, elle recevait beaucoup d'argent parce que les Parisiens l'adoraient, qu'elle était mignonne. Mais pas seulement ça, mais elle était extrêmement drôle. Elle se croisait les yeux en faisant le Charleston. Oui. Et en plus, elle est très belle, elle dansait dans un costume fait des bananes. Et bon, elle était ce qu'on dit le toast of the town. On l'adorait. Mais après, je me rappelle qu'elle elle s'est mariée avec un Français. Et pendant la guerre, elle travaillait pour les Alliés. Elle était je ne sais pas si elle a fait de l'espionnage, mais elle avait un rôle là-dedans. Elle était dans la résistance, d'une façon ou d'autre. La résistance. Oui. Et ensuite, à la fin de sa vie, elle et son mari, eux, ils ont adopté, ils appelaient ça la famille arc-en-ciel, parce que c'était des enfants de toutes les races et de tous les pays. Alors, à la fin de sa vie, je crois qu'elle a perdu son argent, elle a dû retourner à New York. Et j'ai entendu dire qu'un de ses fils maintient l'appartement qu'elle avait là-bas pour les touristes qui veulent visiter la maison de Josephine Baker. Oui, ils avaient pratiquement un château, quoi. Ils avaient un château, oui. C'est vrai. Alors, Josephine Baker vous chante de temps en temps, et ensuite, Si j'étais blanche. Change de voir le train sur belle gloire. Au soleil d'exposer le rein pour être noir, moi pour être blanche, j'allais me roulant parmi les avalanches en du Mont Blanc. Ce stratagème d'un azéro, j'avais de l'air dans la crème d'un petit Josephine Baker in first, du temps en temps, and then si j'étais blanche. So the first one is she sings to her lover, who apparently is gone. Don't tell me that you are in love with me. Kiss me from time to time, de temps en temps. Don't write long poems to me, but from time to time, think about me. Remember to write me, and that you adore me. But it's more important that from time to time you think of me. And then she gets a little bit jealous of the girls who may be around her lover or her friend. And she says, don't let our dreams die, because from time to time, remember what our plans were. So that's Josephine Baker as sentimental. And then in the si j'étais blanche, if I were white, she goes to a whole list of things that she would be, or metaphors. She even talks about the Mont Blanc, the White Mountain, and the avalanche, the snowfall and snow. But basically the most important thing is that she has a flame in her heart. And that gives her somewhat of a, what could I call this, a color. Color of the flame in her heart. Mm-hmm. And so she is, this is just a supposition, si j'étais blanche. She's pretty much content that she is who she is, which she always was. A great musical star. Alors, on a une seule chanson par Charles Trenet. Le prochain, il va vous chanter Le Grand Café, Charles Trenet. Vous connaissez les actualités d'avant-guerre et les premiers films de Charlot. Leur décor pourrait être celui du Grand Café, de ce café de province où les joueurs de manille fument et crachent dans une atmosphère d'aquarium et de plantes vertes. Voici la chanson que Le Grand Café m'a inspirée. Au Grand Café, vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard. Bien installé devant la grande table, vous avez bu, quelle soif indomptable. De beaux visages fardés vous disaient bonsoir, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets au Grand Café. comme on croyait que vous étiez voyageur. Vous avez dit des histoires d'un ton blagueur, bien installé devant la grande table. On écoutait cet homme intarissable. Tous les garçons jonglaient avec Paris Soir et la caissière pleurait au fond de son tiroir. Elle vous aimait, elle les aurait griffés, tous ces gueulards, ces assoiffés du grand café. Par terre, on avait mis de la cire de bois pour que les cracheurs crachassent comme il se doit, bien installés devant la grande table. Vous invitiez des ducs, des connétables. Quand il fallut payer soudain l'addition, vous avez déclaré, moi, j'ai pas un rond. Cette phrase-là produit un gros effet, on confisque à tous vos effets, vous étiez fait au grand café. Depuis ce jour, depuis bientôt 60 ans, c'est vous le chasseur, c'est vous le commis de restaurant, vous essuyez toujours la grande table. C'est pour payer cette soirée lamentable. Ah, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que d'entrer dans ce café plein de manieurs. Vous étiez beau, le temps vous a défait, les mythes commencent à vous bouffer au grand café, au grand café. Go around the world in 4 hours with the cutting edge in global music on KFAI, 8 p.m. to 12 a.m. weekdays. Every Monday morning, start your music week right by tuning in to Pam Without Boundaries. From 10 a.m. to noon, it's almost all new music from all over the world, from Bamako to Preservation Hall. You'll hear the latest music across genres, artist interviews, what's happening in clubs, and some corny jokes. Tune in Mondays at 10 a.m. on KFAI. Well, this was typical Charles Trenet in his vivid song about Le Grand Café, the great cafe or restaurant. And he then gives a whole this discussion about what you could find in this cafe and how in his younger years he would go in there and drink at the big table, how everyone would watch him and be astonished about how handsome he was. The cashier, the lady in France, usually you have, in the cafes, you have the wife of the owner, I mean propriétaire, she usually sat at the cash register, and she says she cried into her cash register because she thought he was so handsome and she was so in love with him. Well, and then all of these other guys who were the counts, very important people. And he had a great time drinking. But then came the moment when they asked him to pay his bill. Well, he said, "J'ai pas un rond. I don't have a penny. I don't have any money. So then it became a little bit more drastic, and he had to become the chasseur, meaning he was one of the people who had to try to direct people into this Grand Café and to work off the bill that he had made. But when Charles Trenet sings a song like this, I mean, then no matter what happens to the main character, whether he has to become dishwasher or whether he can't pay or whether they put him in jail, with Charles Trenet, it's always fun. And his music is also always a music of fun rhythms and melodies and texts. Merci, Olaf. Maintenant, on va écouter Jean Ferrat. Et Jean Ferrat, il est mort il y a un an ou deux. C'était un grand, grande vedette, surtout connu pour ses connexions politiques, je crois, non? Oui. Il était à gauche, ou bien, je ne sais pas s'il était communiste, mais socialiste au moins. Je crois qu'il était peut-être communiste pendant une époque. Hein? Il l'était, et puis à un moment donné, il a quand même vu ce qui se passait en Russie soviétique, et puis il a renoncé vraiment d'une façon publique. Donc il était honnête avec soi-même. Oui.

des lèvres des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France, leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain. Ma France, qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France. Jean Farah, cinq camarades, and comrade, and ma France, my France. Farah was left leaning. I mean, what do you? Leaning. He was left. I mean, he was carrément socialiste communiste. Mm-hmm. So what's wrong with that? So. This transpires in these two songs that you just heard. But he also was doing very poetic songs and music to it. Anyway, Camarade is a song that deals with the war, and he starts singing. He always sings about these. What should I say? Dichotomy. I mean, first he sings, "Camarade." What a nice name this is, Camarade. When you are next to me, and when we are under shell fire and grenades falling around us and gunfire, and then he sings. The next thing is, "Camarade." What a terrible name. What are you doing here? What are we doing here? And he means, of course, in a war that has been instigated by people who profit from it. And so then he sings at the end that obviously, no matter what happens, the memory will live on forever. So it's very critical of the situation. My France is. Similar. It has similarly constructed. It has these dichotomies. He sings about the beauty of the seaside, of the mountains, of the hills, of the shores and of Brittany, and the fields of Provence. And then he says Ma France, but it's also Robespierre. It's also Monsieur Thiers. He was, I think, the Minister of War or something like this in France, or one of the prime ministers here, who sent people out into carnage. So it goes back and forth between this France that is so beautiful, but then also has done things that he's not so proud of. But he still puts it all together and says, no matter what your crimes and your errors have been, it's still his Ma France. So, even with 5-year-old children working in mines. Yes, exactly. 5 years, and then no songs or poets were written about the workers. I mean, it's exactly the 5 years, mm-hmm. 5-year-olds, and then how other people had to descend and down in the mines and work. But I think, when would that have been? That was probably 1900s. This was the end of the 1900s. Into the 20th. Yes. Into the 20th century. Mm. I mean, this was not this. It's not that long. Eh bien, oui. Alors, maintenant, on va écouter quelque chose de plus joyeux. Pâte à choux. Même le nom est amusant. Parce que pâte à choux, c'est la pâtisserie, la pâte qu'on emploie avant de faire des choux. Elle était pâtissière, vraiment, sur le but de Montmartre. Mais elle avait aussi une boîte de nuit qui existe toujours. Je crois qu'elle était célèbre parce que s'il y avait des messieurs qui entrent dans sa boîte, alors qui portaient des cravates, elle est coupée. Donc, Pâte à choux va vous chanter la goulante de pauvre Jean. Et ensuite, Pâte à choux chante à Paris. D'abord, une annonce. Owens in beautiful downtown Burbank, reminding you and only you that my pal David Cummings, Rockin' in Rhythm, is Monday afternoons, 2 to 4 p.m. on KFAI 90.3 106.7. Be sure and remember that. David Cummings, ladies and gentlemen, who's well known for his collection of erotic Tupperware. David, it's all yours. Listen to Hmong FM every Friday evening at 6:30 to hear the latest news, music, and commentary about the Hmong community. I'm Kathy Muchipau, and I'll be your co-host with Va Meng Mua, bringing you arts, culture, and music by Hmong artists. News with Hmong Today headlines, interviews, and live music. Hmong FM, giving you a glimpse into the Hmong American experience every Friday evening at 6:30. What's the... La Goulante, the complaint or the plaint of poor John. Vous allez reconnaître la mélodie, c'est autre chose. Bon, voici Pâte à choux et c'est un vieux LP. Excusez-moi s'il y a des craquements. Escourdez rien qu'un instant la goulante du pauvre Jean que les femmes n'aimaient pas et n'oubliez pas. Dans la vie, il n'y a qu'une morale, qu'on soit riche ou sans un sou, sans amour, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Lui aussi était rupin et fringué comme un gandin. Il pionçait dans de beaux draps, mais n'oubliez pas. Dans la vie, on n'est pas de balle. Quand votre cœur est au clou, sans amour, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Il guinchait dans les salons, il baffrait comme un cochon, il lichait tous les tafias, mais n'oubliez pas. Rien ne vaut une belle fille qui partage votre ragoût. Sans amour, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Pour gagner des picaillons, il fut un méchant larron. On le saluait bien bas, mais n'oubliez pas. Un jour on fait la pirouette et derrière les verrous, croyez-moi, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Esgourdez tous les galants, soyez fiers de vos 20 ans. On ne les a qu'une fois et n'oubliez pas. Plutôt qu'une cordelette, me vaut une femme à son cou. Sans amour, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Et voilà, mes braves gens, la goualante du pauvre Jean, qui vous dit en vous quittant, eh, mais vous, parapalapla, soin. À Paris, quand un amour qui se sourit tout ça parce qu'il s'aime,

I'm going to say this in English. Last week we had a young French harpist, singer, and composer whose name is Avril, A-V-R-I-L-L. That's her stage name. And she had an amazing career. She started off, with her music as a young girl, and then she became an engineer, but she still had music in her heart. And so she followed her heart and has gone back to her music. We were fortunate to hear her, both here on the interview and later at the concert at the Alliance Française. Avril, and here she is with a song, Boom Boom. I'm gonna shut you right down, right off your feet, take you home with me. Bum, bum, bum, bum. I'm gonna shut you right down, right off your feet, take you home with me. Boom, boom, boom, boom. How, how, how, how. How, how, how, how. Mm-hmm. Hey, guys. Bum, bum, what do you think of that lady? Don't you think she looks great? Yeah, she does look great. She looks wonderful. Hello. I love her voice. I love everything in her. The way you walk. I love the way she talks. Up and down the floor. And you know what? You know what? I want her to be my wife. I'm gonna ask her. I'm gonna ask her real soon. I love. Yeah, for sure she'll say yes. The way for sure. You talk. She'll say yes. That baby talk. Oh, oh, oh baby. When you walk that walk, when you talk that talk, when you talk that talk, you whisper in my ear, whisper tell in my me ear, that you love me. Tell me that you love me. Oh, baby, I love that talk. I love that talk, baby. When you whisper in my ear, tell me that love you love talk. Me. Baby, I love that talk. I love that walk. I love everything. I love the talk. Love the talk. When you walk that walk and talk that talk, whisper in my ear, tell me that you love me. Oh, baby, I love the talk. When you talk like that and walk like that, it knocks me out right off my feet, right off my feet, right off of my feet. Well, this was Avril. Avril. The harp player that you heard last week in interview. And luckily she sang in English, so I don't have to do any translation. But basically the whole theme goes around the same thing that we've heard before. Tell me that you love me is one of the phrases that she brings there. But I have a question. I was not here last week. How did she get the harp into this relatively small studio? Well, we debated that and we thought... it would be just too difficult to transport a harp, so she brought her CD. You can Check out her website at www.avril.fr for France. And Avril is spelled A-V-R-I-L-L. That song, Boom Boom, was by John Lee Hooker, an American artist. Unsurprising song with harp, but she sings the blues in French and English, quite a variety of different songs. And I think boom boom is the French also talk about sur boom, a big party. Yeah. Big parties, yes. Well, we're coming up on the hour. It is 1 minute before 9 p.m. Central Daylight Time here in Minneapolis, St. Paul. And in Paris? In Paris, it would be 4 o'clock in the morning. Oh, well, almost time for Paris to wake up, but not quite. Oh, they go all night, though. The city that never sleeps. That is true. In the old days, about this time, then you'd have the truckers coming into the central market station, so yes, Les Halles. And then the smaller merchants came in and pick up what they bought from the big merchants. So 4 o'clock was... when you went to get onion soup. Exactly. I did see that, admitting my long ago time I was there, but now it's been moved away from the center of Paris, which is probably more practical. Well, what would happen is they would have all these trucks from the province and from the north and everywhere from the producing regions would come in and clog the streets, I mean, around the Les Halles. And then all of the little, grocers and cheese vendors, and they came in with their smaller carts and the little trucks or semis, I mean half ton trucks. So then there was a continuous traffic jam around the hall, from 3-4 in the morning till 8-9 or so. Big strong men carrying huge half sides of beef. Yes. On their backs. Yeah. So now it's near the Le Bourget. Orangis is, that's near, not near, not, not Le, Le Bourget, it's, what? Is it near Charles de Gaulle? No, it's in the southern part of Paris. South of Paris. Mm-hmm. And it's, the Paris airport at the time. Le Bourget, that's in the north. Le Bourget, I don't know. Well, good grief, I forgot. What? I don't know. Not Orly. Orly? I don't know where I think it was Orly, yes. Mm-hmm. Anyway, so it's next there, and then the congestion, of course, is kind of remedied, but the good onion soup is not as frequent and not as good as it was in the old days. It's still served, but I mean, who wants to get up at 4 only to have a onion soup, la gratinée? You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis, and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio, Radio Communautaire, KFAI, 80,3 FM Minneapolis, et 106,7 St. Paul, Radio Sans Frontières. Donc maintenant, on va jouer des chanteurs modernes par la musique qui nous vient par RFI, Radio France Internationale. Et d'abord, c'est Yvan Marc qui va vous chanter La Cerise. Alors, est-ce que c'est Yvan Marc ou Marc Yvan? Je ne sais plus. Yvan, c'est le prénom. Son prénom est Yvan. Oui. Alors, depuis 10 ans... Yvan Marc voyage partout en France. Il a fait plus de 400 concerts, 4 albums et une cinquantaine de chansons qu'il a écrites. Cet album célèbre la vie et ses tourments, l'amour, etc. Et ça va être suivi par, Anouk Aeta, je crois que c'est comme ça, Lady Western. C'est le premier album d'Anouk Aïta. Sa voix est sensuelle, particulière et pleine de joie de vivre. Sur le dos de ceux qui se tuent au boulot, pas de repos pour les petits, c'est ainsi. Aux infos, ils le disent, ça va être chaud, le monde s'enlise. Les guerres aux signoles, les merlements au cœur chantent en chœur. C'est la cerise, c'est la crise. Pas de cerise sur le gâteau, plutôt pas de gâteau sous la cerise. C'est la cerise, c'est la crise. Pas de cerise sur le gâteau, plutôt pas de gâteau sous la crise. Ils nous tiennent, nous retiennent, entretiennent ce fléau. Quand le pognon nous fait défaut, pour d'autres ils coulent à flot. Comment croire ce qu'on nous dit, que c'est la cata pour tous les amis. Pour s'en sortir, il va falloir se faire avoir. C'est la cerise, c'est la crise. Pas de cerise sur le gâteau, ou plutôt pas de gâteau sous la cerise. C'est la cerise, c'est la crise. Pas de cerise sur le gâteau, ou plutôt pas de gâteau sous la crise. Pendant ce temps, on entend, on nous ment, on répand la rumeur que les chômeurs sont des gourmands. Mais les profiteurs sont ailleurs et pour eux le gâteau est de plus en plus gros. De la cerise nous laisse que le noyau. C'est la cerise, c'est la crise. Pas de cerise sur le gâteau, plutôt pas de gâteau sous la cerise. C'est la cerise, c'est la crise. Pas de cerise sur le gâteau, plutôt pas de gâteau sous la crise. De la poussière à gogo et dans mes bottes des cailloux, au ciel des aigles et des squelettes et des cow-boys un peu partout. Il y avait des cactus à l'appel, au loin le train sifflait la Seine, était flatté par un soleil rouge dans le rose du ciel. Sables et cailloux s'entremêlent, cactus et collines à la chaîne, comme dans un western de voyous. On entend siffler les duels à coups de colt, de revolver, et ça fait bang bang dans la plaine. Un coup qui part, un corps s'écroule. chapeau, le soleil, la nuit autour des feux qui craquent, le jour les cheveux dans les airs, mon aventure est solitaire, et mon cœur sourit à qui vient, moi je sais qui gagne ou qui perd, au jeu du colt, du revolver. So first of all, we heard Yvon Marc, La Cerise, the cherry, and his is some kind of a critical assessment of the world as it is. And he says, there is a crisis, and there's kind of a little play of words, crise, cerise. And he says, there's no cherry on the cake anymore. But then he says, but even worse, there's no cake under the cherry. So it's what he talks about, of course, is the situation in which the unemployed, are rumored to be gourmands, but I mean, they aren't. They don't even have the cerise, the cherry, on top of the gâteau. And even it's very questionable whether there is a cake under the cherry, so there's nothing. Anyway, that was Yvon Marc. And now the next one was Anouk Ayate. And she, oui, drôle de nom, hein? Well, I mean, that's... Ayata. Well, I mean, what can you say about names? I mean, they... some people think that Pfannkuchen is a funny name, but anyway, she sings "Lady Western," and this is going right into the stereotypes that Frenchmen and many others have about the West and the deserts, the Caillou and pebbles and sand, and here are some corpses lying around, or probably. Already transformed into skeletons under the burning sun. And here they're galumping and galloping through this area. And this is her, and obviously in the Western type melody of the beat is more or less that of a horse. And mm-hmm. So here we have Lady Western Wavy with a little bit of thinking about Calamity Jane or someone else who also swung her gun. Merci, Aura. Donc, on va écouter quelques annonces. The brand new KFAI Community Radio app allows you to listen to KFAI, pause and rewind the live audio, and view the program schedule for KFAI all at once. You can explore on-demand content, search for programs, bookmark a program for later, and share stories and programs with family and friends. The KFAI radio app is brought to you by the people at KFAI and Listener Interactive, and is currently available for Android, iPhone, and iPad devices. For more information, visit kfai.org. Wednesdays, 12 noon to 2 p.m., Global Beat. Balance between Corazon Latino and African rhythms at the equator of midweek. Global Beat. Wednesdays, 12 noon, 2 p.m. KFAI. 90.3 FM and 106.7 FM. KFAI.org. Here are some announcements coming from the Alliance Française. There is the teen club will meet une journée jeu de société. So it's board games on Saturday, August 24th. That's this coming Saturday, 11 to 1 p.m. in the main room, the Grand Salle of the Alliance Française. Teen Club is a group of 14 to 17-year-olds who meet once a month to speak French with others outside of a classroom setting. Bring your favorite board game and snack to share. The Alliance Française also has board games en français. RSVP to Petra at teenclub@afmsp.org. Le Cercle du Livre, the book circle, will be meeting. That's for advanced and native French speakers this time. They will meet on the 25th of September at 5:30 at the Alliance. They are reading Thérèse Desquerreaux, I read it once but can't pronounce it, François Mauriac. Please read the entire book in advance of the meeting so that you're ready to discuss. An exhibit is taking place at the Alliance Friday, August 23rd, People and Places photo exhibit at the main room. These are a photography by Robbie Chakraborty, who recently was a finalist for the Fondation Alliance Française Métier du Monde International Competition. Ciné Club, the movies, will be showing a French movie called Memory Lane, Friday night, 7 p.m., August 23rd, this coming Friday, at the Alliance, free and open to the public. Ciné Club meets every month to screen a French language film. They're shown in French with an English subtitle. TGV of French courses. Well, that's an unusual one. The TGV is a train grande vitesse, the high-speed train. When I was in it in May, we traveled at 180 miles per hour from Avignon to Paris. Well, now you can take classes that are speedy, too. You can complete all five beginner or intermediate levels. They are intensive French courses to put you on the fast track to language learning. The major benefit is hearing and speaking French consistently for most of the week. Let's see. Register early and you get a price break. Call the Alliance Française at 612-332-0436. You can also email them at afmsp.org. A special offer for Alliance Française members, the films of Pierre Etet this weekend, all through August, at the Trilon Micro Cinema. That's on Minnehaha. You can check that. But this week, Friday, Saturday, and Sunday, they are showing Land of Milk and Honey at 7 and 8:30. On Sunday, it will be 5:30 and 7. There are several job offers for people. This College of St. Benedict, St. John's, is looking for an assistant professor, instructor of French, French-speaking sales support representative. Contact the Alliance if you are so interested. And, of course, there are many, many classes being offered at all levels at the Alliance Française. One of the more interesting ones that I noticed here on topics, besides all the grammar and pronunciation classes, there's topics classes. Well, here's one on les comiques, rire à la française. Well, laughter, yes, may be universal, but do French and American jokes translate? Not always. Find out. That class will be given Saturday, November 9th, 1 to 4. Find out about French comedians of past and present. There are topics classes celebrating Albert Camus for his 100th birthday, the great novelist, Nobel Prize-winning author, journalist, and philosopher. Jim Long will be guiding you with this. 5 weeks on Monday, starting October 14th, 6 to 8 p.m. And here's a very interesting one, Le Français en chantant, French by singing. Alliance Française instructor and chanteuse extraordinaire, Francine Roche will teach you French through songs. Spend some time learning about classic artists like Edith Piaf, Charles Aznavour, among others, while taking a turn at singing their songs, beginner two and above. That really sounds like fun. And voilà, c'est toutes les annonces. Oui, j'aurais quelques commentaires à faire après à la une des voix de la presse française, mais c'est tout à l'heure. Oh, peut-être une chanson d'abord. Oui, oui, oui, oui. D'accord. On ne peut pas parler tout le temps. Oui. Alors, on va écouter Gaël Faure avec une chanson qui s'appelle Island. Il y a quelques années, les Français ont connu ce jeune homme par un spectacle télévisé. Depuis, entre la composition de ses nouvelles chansons et de nombreux concerts, Gaël a pris son temps pour ciseler son premier album. Il a choisi des textes forts et bien écrits. C'est une très belle chanson, Island. Jamais rêvé ne serait-ce qu'un jour de grandes épopées au long cours. T'il besoin pour autant pour trouver l'aventure d'aller si loin de ma nature. Des volcans éteints, de l'heure des châteaux, bah, j'en manque pas chez moi. Gâtise les anciens, tant d'ailleurs à deux pas, lève les yeux et vois, elle vient du cœur, ma demande. Je pars tout à l'heure, aimerais-tu en être là-bas, on dirait l'Islande, ou tout du moins ce que j'avoue. À quoi me sert de n'avoir pas 30 ans si l'âge ne tient pas ses serments? Chaque jour qui va est une vie, dit-on, qui ne reviendra pas, c'est con. J'ai cru longtemps, plus souvent qu'à mon tour, qu'on ne pouvait chercher qu'en trouvant. À Babel, Oued, Reykjavik ou Ceylan, ce qu'on n'a jamais perdu vraiment. Ce silence assourdissant, cet azur de l'espace à la mesure de ce que l'on brûle quand on refait le monde. En doutes-tu une seconde? Elle vient du cœur, ma demande. Je pars tout à l'heure. Yeah. Kyle Four in Iceland. And the song deals more or less with, he is establishing parallels between his life and then the island of Iceland. And so he sings about the history that comes out of the mist of ancient times, the volcanoes, the sea that around it, and then he compares it to his life. He's now 30 years old, and what is he going to do? And what exactly are these parallels that he can, establish? And so basically, he tries to emulate or tries to say that this mood that Iceland can produce is the mood in people or can excite in people. That is what he's feeling now. That was Gael Faure. Eh bien, on a le temps pour une très brève chanson. Et donc, comme ça, je vais jouer une autre d'avril qui s'appelle Soleil Bleu. Following is a test of the emergency alert system. This has been a test of the emergency alert system. The purpose of this test is to ensure that all early warning equipment is working properly. If this had been an actual emergency, official messages would have followed the alert tones. KFAI 90.3 FM, Minneapolis, and 106.7 FM St. Paul, serves the greater Twin Cities area. This concludes the test of the emergency alert system. Okay. Merci, Olaf. Donc, ce que vous avez entendu, c'était une brève morceau par Avril, la harpiste qui était notre invitée. Well, the harpist et Avril that you heard just a short while ago and who was a guest, if you did miss the interview last week, be sure to tune it in. It was a wonderful interview and a very interesting person with great musical talent. By doing this, you can go to www.kfai.org on your computer and check into Archives. Then push the button for Bonjour Minnesota for the date last week, which was the 13th of April, or August. And you will be able to hear during the first part of the show the interview with Avril. Donc, merci, Olaf. Je crois que c'est fini notre message. On va continuer avec notre musique. Et c'est encore une de la nouvelle musique qui vient de RFI, Radio France Internationale. C'est un groupe qui s'appelle Autour de Lucie. Et eux, ils vont vous chanter Ta lumière particulière. Alors, le groupe Autour de Lucie, en 10 ans, a fait 4 albums. C'est dirigé par Valérie Leyot. Alors, les 14 albums étaient tous très singuliers, mais le groupe s'est séparé et après 5 ans de séparation, ils se sont réunis. Aujourd'hui, leur musique est urbaine et hypnotique avec des touches électro. Autour de Lucie. Ta lumière particulière. we heard the group Autour de Lucie, Ta Lumière Particulière, Your Special Light. Actually, the group is led by Valérie Lemieux, and then, well, they give themselves these various names. So it's more a picture of mood about the particular light, the blinding light that goes out from various people that meet each other in this constellation. And it's a play on words and a play on the light that shines and the play of how people react with each other under these lightning light conditions. Merci, Olaf. Maintenant, on va faire un changement. On va dans les Antilles. On va écouter d'abord une chanteuse qui s'appelle Emeline Michel. C'est en créole, donc je ne peux pas dire que je comprends tout ce qu'elle dit, mais c'est intéressant et elle a une très belle voix. Le titre de la chanson, c'est Mosso Maman, je crois. Ça s'écrit M-A-N-M-A-N, Maman. On l'appelle, c'est-à-dire Emeline, on l'appelle la reine de la chanson haïtienne. Elle vient d'Haïti. Elle est née à Gonaïves, Haïti, et elle a commencé le gospel à l'église. Ensuite, elle a étudié au Detroit Jazz Center. Et Emeline va être suivie par un groupe qui s'appelle Kassav. Et leur chanson s'appelle Rété. Kassav, c'est un groupe de zouk. Alors, qu'est-ce que c'est le zouk? C'est encore une forme de musique dans les Caraïbes, comme le reggae, mais un peu différent, comme vous allez entendre. Mais c'est le groupe le plus connu au monde. Kassav prend leur nom du plat cassava, qui est fait de la racine de manioc et de noix de coco. Le groupe se compose de trois frères guadeloupiens et leur musique est un mélange de salsa, le compas d'Haïti, le reggae et d'autres. Voilà les tropiques. Emeline. Tu n'avais pas quelque chose à dire, Olaf? Oui, oui, je vais faire peut-être si après, plaît, après ces deux-là, je vais... J'ai fait... Oui. Ouais. S'il te plaît. Si tu as quelque chose, excuse-moi, mais... J'ai choisi ce disque-là. Ah, voilà. Tiens, la voilà. Emeline. Vin danser maman, cada Gabo ya mama mama mwen papa peyo sa mwen dweo Vin danse mama mwen Fwa souri mama mwen Mwen chante pou mama mwen Papa peyo sa mwen dweo Jou file nou fin kondi An pil bagay nou valdi Lom gade kote msoti Se paselman mirak la nati Liv lan mousa te pasem Pou fwa sa fiel ki depanse Kay la gan voto mi tan lò pose de moso maman oh, Vin danse maman mwen Ka danse maman mwen Ka bodja maman mwen Mpa ka peyo sa mwen dwe Vin danse maman mwen Ka danse maman mwen Ka bodja maman mwen Mpa ka peyo sa mwen dwe Mam gade fon ki plise Tout cheveux blancs qui t'ont poussé jour, papa souffle et rajoute m des jours pour m'baou l'amour. Nous brisons le grand papa, ou pas jamais grand mout pour maman. Contre ça écrit, y'a que 100 jours, t'en pas arrêté en qu'un temps. Oh, il n'a pas maman, moi. Gardez. Bon diamant, maman, moi, m'bap kapé, ou sa mouen doué. Bim danse, maman, moi, ka danse, maman, moi. Ska bon diamant, maman, moi, m'bap kapé, ou sa mouen doué. Pour tout grand l'ouvri, quel que soit ça m'ta fait dans la vie. Ça quitte la tabati, mami, ou même ou la piti. Dis maman, chérie, où c'est un coup de crayon sans. Mande question, cherche réponse. Maman ou a bien raison. Ka danse maman, ou se diamant maman. Pap kape ou sa mwen dwe. Min danse maman mwen. Ka danse maman mwen. Ka bo diamant maman mwen. Pap kape ou sa mwen dwe. Merci maman, dansez maman moi. Merci, merci en pile. Dansez maman moi. Bois de la grande Louis, quel que soit ça t'a fait dans la vie. Ça quitte la cabane, mamie ou même ou la vie. Oui maman chérie, où c'est un coup de crayon sans radis. Mande question, cherche réponse. Maman toujours dans raison. With the cutting edge in global music on KFAI, 8 p.m. to 12 a.m. weekdays. New to town? New to the one-of-a-kind audio experience that is KFAI? Want to be part of that experience?

Emmeline Michel in Mozo Maman. Emmeline Michel is one of the foremost singers from Haiti, and actually called the Queen of Haitian Song. This one, Mozo Maman, is a song from an album called the Corps des Âmes, Strings and Souls. And basically, it's an ode to mothers. And one of the refrains goes, "Dance with me, Mama. Come dance with me, Mama. Because even with diamonds, I can never repay you." So that's Emmeline Michel. And the last we heard was Kassav. And the song, the group was Kassav, and their song is Rete. Basically, it's a new music that has been, what can I say, invented or developed in Martinique and Guadeloupe as a, actually as a counter music to the scene, music scene, which was dominated by Haitian singers. So this is takes its name from the dish in the Caribbean, cassava, which is a what is it? It's manioc root. It's manioc and coconut. And coconut. Wow, that sounds sounds interesting. Anyway, so this is their group with a new type of rhythm that they mixture that they try to introduce and also preserve their own individual duality. Do we have time? I have a quick. We have a few words from RFE. Well, a few comments from RFE. À la une, which is always the press comments of the press. À la une, que sera la France en 2025? What is France going to look like in 2025? And the government held a government seminar after coming back after the vacations, and it just published it yesterday, more or less. And François Hollande has three things that he wants to get across, namely, pour les 10 prochaines années, préserver la souveraineté politique, diplomatique et militaire, etc., etc. So he's really going head long into starting French economy and making it competitive. But his Anne Lauvergnon, the president of the Commission of the Innovations till 2030, she is more explicit, and she says what we need to do is define several sectors, key sectors, where the technological innovations will permit us to, again, take leader positions. Les innovations technologiques peuvent nous permettre de prendre des positions de leader, franglais. And what she sang, I'm now so much into songs. What she says is, one, we have to do much more research on this, on the energy storage. We have to look at the desalination of seawater, the recycling of raw materials, and the vegetable protein or the chimie verte, the green chemistry. But she also has says that France has to look at the so-called silver economy, which is the economy that turns around the people who are of a certain age, in which she said that about 30% of the French will be more than 60 years old in 2025. That's about just a little view of what the French press is concerned about. Okay. We'll say au revoir until the next time. Au revoir, Olaf. Au revoir, Caril. Et au revoir à nos auditeurs. À la prochaine fois. À la prochaine semaine, oui. Alors voilà, Django Reinhardt. I'll see you in my dreams.

Здравейте, драги слушатели! Аз съм Николай и сме отново заедно с околното музикално предаване Балканско джамборе на Радио Без граници KFAI в Сейнт Пол и Миниаполис. Както всеки вторник вечер, аз съм Николай и сме отново заедно с отпорното музикално предаване Балканско джамборе на Радио Без граници KFAI Сейнт Пол и Миниаполис. Както всеки вторник вечер от 10 до полунощ ще слушаме и наслаждаваме на музиката от Балканите.